T'as pris le train à 5h10 et je suis seul à la maison. Deauville devient le parfait mix entre Marielle Bade et Glaçon. J'aurais pu jouer un homme et une femme, mais tu sais comme ma voiture rame. Ce soir, j'ai un peu le cœur qui sonne, encore merci Collédusson. C'est 1984 au cinéma du Casino. Pour mettre le moral à quatre pattes, j'ai fait très fort, encore bravo. J'ai marché au bord de la mer, je me sens comme un singe en hiver. Ce soir, j'ai un peu le cœur qui sonne, encore merci Collédusson. Ce soir, j'ai un peu le cœur qui sonne, encore merci Collédusson. Avant, j'avais des chiens tout blancs. Avant, des amis qui jouaient de la musique, plein de dettes et des gros parents, et jouaient au yam avec Patrick. Entre 5 des 2 verres de Bourgogne, j'ai comme des souvenirs qui résonnent, encore merci Collédusson. T'as pris le train à 5h10 et je suis seul à la maison. Je caresse la photo de mon fils, mon petit bout. Ton père est un con, se faire piquer par un bourdon, c'est vraiment pas la bonne saison. Ce soir, j'ai un peu le cœur qui sonne, encore merci Collédusson. Ce soir, j'ai un peu le cœur qui sonne, encore merci Collédusson.